connais pas. En frappant à la porte, qu'elle serait là. Comme dans un songe, où Morphée m'emporte encore dans ses bras. La ville avait disparu. La ville